السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc j'ai voulu faire une intervention ce soir en raison des événements qui se passent en France actuellement. Des événements dont l'islam est innocent et que nous ne cautionnons pas et dont nous nous désavouons, comme attentats et prises d'otages et tueries et massacres. Tout ceci fait partie de la corruption sur terre que l'islam blâme totalement et certes ce genre d'acte peut être commis par des musulmans ignorants ou égarés qui n'ont pas compris les principes de l'islam. Tout comme il se peut que les personnes qui commettent de tels actes n'aient rien à voir avec l'islam en réalité et qu'ils ne soient pas musulmans. Et Allah est le plus savant. En tout cas, l'islam ne cautionne pas ce genre d'agissement et les gens de la sunna, les salafis, ne cautionnent pas également ce genre d'acte et nous nous désavouons totalement de cela. Et donc, afin d'éclaircir certaines choses par rapport à ce qui est en train de se passer, J'ai décidé de faire la traduction d'une conférence de Cheikh Saleh al-Fawzan, Hafidhahullahu ta'ala, qui est une conférence dans laquelle le Cheikh démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné le prophète sallallahu alayhi wa sallam des moqueries de ses détracteurs et de ceux qui ont toujours voulu lui faire du mal. Et dans cette conférence également, le Cheikh Saleh al-Fawzan va expliquer de quelle manière doit-on secourir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre ses détracteurs et contre ses railleurs, ceux qui se moquent de lui et qui se moquent de la religion de l'islam. Car le fait de commettre des attentats ne règle en rien ce problème. Et à la fin de cette conférence, le Cheikh Saleh al-Fawzan, Hafidhahullahu ta'ala, a répondu à quelques questions, et notamment une question qui a été traduite par certains frères et qui a été propagée sur l'internet. Une fatwa qui correspond exactement au cas et à la situation que nous vivons actuellement en France suite à l'attentat qui a été perpétré dans les locaux de Charlie, du journal Charlie Hebdo. Par des personnes qui prétendent donc être musulmans. Et qui ont prétendu par là défendre l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre des caricatures et des propos indécents tenus par certains scribes de ce journal. Donc je vais traduire cette conférence de Cheikh Saleh al-Fawzan, Inch'Allahu ta'ala. Puis je choisirai quelques questions parmi les questions qui ont été posées et qui ont un rapport avec la situation que nous vivons actuellement en France. Fayaqul Cheikh حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange entière est à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et qu'Allah fasse les éloges et accorde le salut à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et à tous ses compagnons. Amma ba'd, ceci dit, fa innal mawdu'a kama sami'tum, mawdu'un muhimun jidda. Le sujet, comme vous l'avez entendu, est un sujet très important. ألا وهو موضوع الرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce sujet n'est rien d'autre que la réplique aux ennemis du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأصحاب الشهوات والشبهات. Qu'ils soient des polythéistes, des juifs, des chrétiens, des hypocrites, des gens des plaisirs ou des gens des ambiguïtés. نحن نعلم جميعا أنهم لن أنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous savons tous que ces gens-là ne peuvent point nuire au prophète صلى الله عليه وسلم. مهما قالوا ومهما تكلموا فإن غيظهم في نحورهم. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils disent, certes leur haine retombera sur eux. والنبي صلى الله عليه وسلم منصور ومؤيد من قبل الله جل وعلا الذي أرسله كإخوانه من النبيين. Et certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam est secouru et appuyé par Allah. Allah qui l'a envoyé, tout comme ses frères parmi les autres prophètes. Comme a dit Ta'ala, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront, au jour où leurs excuses ne seront pas utiles aux injustes. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. فَهُمْ إِنَّمَا ضَرُّوا أَنفُسَهُمْ وَلَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَنْ يَضُرُّوا رَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَنْ يَضُرُّوا الْمُسْلِمِينَ. Donc ces gens, يعني, qui prennent pour ennemi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces gens ne nuisent qu'à eux-mêmes. Ils ne pourront jamais nuire à Allah en quoi que ce soit. Et ne pourront jamais nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pourront pas nuire, ils ne pourront également jamais nuire aux musulmans. وَلَيْسَ مَا ظَهَرَ مِنْ سَبِّهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam يَتَكَرَّرُ فِي هَذَا الزَّمَانِ ليس هذا بغريب فإن هذا منذ بعثه الله جل وعلا وأعداؤه ينالون منه ومن رسالته. Et ce qui apparaît actuellement à notre époque comme insulte envers le messager d'Allah qui se répète, ceci n'est pas étrange, ceci n'est pas étonnant. Car cela, depuis qu'Allah a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début, ses ennemis ne cessent de s'en prendre à lui et à son message. Fal mushrikuna wa abadatu al-awthan yanaluna minhu intisaran li asnamihim wa awthanihim allati jaa'a رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال عبادتها وجاء صلى الله عليه وسلم لإزالتها ومحوها غاروا عليها. Donc les polythéistes et les adorateurs de tombes, ils s'en prennent à lui pour secourir leurs idoles et leur statue, dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu pour annuler l'adoration et dont il est venu pour enlever l'adoration de ces choses-là et les effacer. Et donc, les polythéistes, par jalousie et par attachement, par attachement fervent envers elles, ils s'en prennent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. C'est-à-dire, quand on leur disait point de divinité digne d'être adoré à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner notre divinité pour un poète fou? Unzur wasafuhu bi annahu sha'ir wasafuhu bi annahu majnun wasafuhu bi annahu sahir wasafuhu bi annahu kadhdhab وصفوه بأوصاف اخترعوها من عند أنفسهم إنما تليق بهم هم ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. Regarde, ils l'ont accusé d'être un poète, ils l'ont accusé d'être fou, ils l'ont accusé d'être un sorcier, ils l'ont accusé d'être un menteur, ils l'ont qualifié de toutes sortes de caractéristiques qu'ils ont inventées d'eux-mêmes et qui ne correspondent qu'à eux-mêmes et qui ne correspondent pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma ahlul kitab fahum ya'lamuna annahu rasulullah sallallahu annahu rasulullah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وإنما حملهم على سبه وتنقصه الحسد حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Et quant aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, certes ils savent qu'il est le messager d'Allah, ils savent que Mohammed est le messager d'Allah, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, et ne l'a poussé à l'insulter et à le rabaisser que la jalousie, par jalousie par jalousie de leur part. Par jalousie de leur part, après que la vérité se soit manifestée à eux. Wal hasid innama yadurru nafsah am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan azima. Et le jaloux, il ne nuit qu'à lui-même. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min ali Ibrahim. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la famille d'Ibrahim. وَاللَّهُ يُؤْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Et Allah donne de sa grâce à qui il veut. Et Allah est certes doté d'une immense grâce. فلا أحد يحجر على الله سبحانه وتعالى أن يعطي عبده ما يشاء من الفضل سبحانه وتعالى. Donc personne ne peut empêcher Allah. Personne ne peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de donner à son serviteur ce qu'il veut parmi sa grâce. ولكن هؤلاء حملهم الحسد والكبر الاستكبار عن أن يتبعوه أو يطيعوه مع أنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Donc, ces gens, c'est la jalousie qui les a poussés c'est la jalousie et l'orgueil qui les ont poussés à ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ne pas lui obéir alors qu'ils savent bien qu'il est le messager d'Allah. Ceux à qui nous avons donné le livre, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. وأما المنافقون فآذوه صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار في الأصل والباطن فهم مع الكفار ومع الوثنيين ومع اليهود والنصارى لكنهم أظهروا الإسلام خديعة يخادعون الله والذين آمنوا ولذلك يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم إذن. Concernant les hypocrites, ils ont porté préjudice au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont des mécréants à la base et à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont avec les mécréants et avec les polythéistes et avec les juifs et les chrétiens. Mais ils ont montré l'islam en apparence afin de tromper. Ils pensent tromper Allah et ceux qui ont cru. Et c'est pour cela qu'il porte préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومنهم الذين يقول ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens, et parmi eux, et il en est parmi eux qui font du tort au prophète et disent il est tout oreille. هذه مقالة المنافقين. Ceci est la parole des hypocrites. والله جل وعلا قال فيهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit les concernant ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant ces gens-là. Ceux qui offensent Allah et son messager, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Ou ashabu shahawat, alladhina ra'aw anna fi ittiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam man'an li shahawatihim al-muharrama, fahum yuriduna az-zina wa yuriduna al-khamr ويريدون الربا ويريدون ما ألفوه ونشأوا عليه أو اشتهته أنفسهم فلذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على شهواتهم également. Également, les gens qui sont dans les plaisirs, qui voient que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un obstacle qui les empêche, est un obstacle qui les empêche de suivre leurs plaisirs interdits. Ils veulent la fornication, ils veulent l'alcool, ils veulent l'usure, le riba. Ils veulent rester sur ce qu'ils ont connu et ce dans quoi ils ont grandi. Ou ils veulent ce que leurs âmes désirent. فلذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على شهواتهم. Et c'est pour cela, qu'ils ont pris le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم comme ennemi, afin de rester dans leur plaisir. وكلهم لن يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم. Et tous ces gens ne pourront en rien ne pourront en rien nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rafa'a Allahu darajatah wa a'la manzilatah. Car certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a élevé en degré. Et à élever sa place. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. C'est-à-dire, et de la nuit, consacre une partie pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. Les premiers, tout comme les derniers, feront ses éloges au jour de la résurrection. وهو الشفاعة العظمى للعالم في أن يريحهم الله من الموقف. Et c'est la grande intercession qu'il fera pour le monde, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du mal. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du mal. Du rassemblement. وأن يحاسبهم على أعمالهم بدلا من الوقوف الطويل. Et afin qu'Allah les juge selon leurs actes plutôt qu'ils ne restent debout longuement. بدلا من الوقوف الطويل والضنك والحر والشدة والضيق. Donc il va intercéder pour qu'Allah juge les serviteurs selon leurs actes, plutôt qu'ils ne restent debout longuement, dans la gêne, dans la chaleur, dans la difficulté. فهو صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه في أن يصرفهم من الموقف الهائل بعدما يطلبون منه ذلك. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va intercéder auprès de son Seigneur. Va intercéder auprès de son Seigneur. Afin qu'il les sauve de cette posture. Après qu'il lui ait demandé cela. قال سبحانه وتعالى له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Nous t'avons certes, nous t'avons N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Qala subhanahu wa ta'ala. Wadduha. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu en seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Et le demandeur ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى dit au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux, certes nous t'avons donné al-kawthar, wa huwa nahrun fi al-jannah. Al-Kawthar, c'est une rivière au paradis, ou alors c'est l'abondance du bien. Fasalli rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Donc prie pour ton Seigneur et sacrifie. Certes, celui qui te hait sera sans postérité. Shani aka ay mubridak yannahum qalu inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu aqib. أي ليس له أولاد بعده يعيشون بعده ويريدون أن ينقطع. وإنه سينقطع ذكره ويبتر ذكره. الله جل وعلا قال إن شانئك هو الأبتر. شانئك c'est-à-dire celui qui te hait, celui qui te déteste. Car ils ont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de postérité, qu'il n'avait pas d'enfant mâle après lui, qui vivra après lui. Et que donc, sa renommée allait retomber. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, celui qui te hait sera sans postérité. Par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Mahmoudun inda Allah wa inda khalqihi, hayyan wa mayyita. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est loué auprès d'Allah et auprès de ses créatures, mort et vivant. Amma hum, fa inna al-ara yalhaquhum, wal-batru yalhaquhum, al-batru al-ma'nawi wal-batru al-hissi, fa lam yadurru al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam shay'a. Quant à eux, certes ils sont couvert de honte et couvert de mensonges. فَلَمْ يَدُرُّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. Et donc, ils n'ont point nui au messager صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. On va s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala, et nous continuerons la traduction de cette conférence demain, bi'idhnillahi ta'ala, et vous serez tenu informé de l'horaire à Afwan, vous serez tenu informé de l'horaire du cours demain matin, inshallah ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين